OF4, activité 51. Écoutez et répétez les mots qui suivent. 1. Bientôt. 2. Entreposage. 3. Sécuritaire. 4. Architecture. 5. Ordinateur. 6. Militaire. 7. Confédération. 8. Mercredi. 9. Politique. 10. Nationalité. 11. Administratif. 12. Formalité. 13. Compétition. 14. Électricité. 15. Intergouvernemental.